je grandis. L'amour aussi, c'est au gré du vent que j'aime vagabonder. Moi je suis comme vent, j'embrasse toute une armée de rêves et de bleuets. Me plonger dedans, je sais ce que je sais.